les arguments humanitaires et surtout le retard, justement, des casques bleus à se mettre en place. Ne nous a pas convaincus parce que nous savons que si les casques bleus retardent, c'est qu'il manque des moyens. Et maintenant, la France a des moyens. Et nous demandons plutôt que la France mette à la disposition de ses forces des moyens qu'elle veut utiliser pour intervenir. Vous n'avez toujours pas confiance, en fait, dans la France lorsqu'elle vous dit qu'elle veut une intervention strictement humanitaire ? Mais bien sûr que quand la France est partie au Rwanda en 90, elle est allée dans le même but, mais ça n'a pas empêché qu'elle reste là 3 ans. Fin août 1994, le ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé, confirme le retrait des troupes françaises du sud-ouest rwandais et dresse le bilan de cette opération turquoise qui aura finalement duré 2 mois.